Secolo a secolorum. sur une autre tonalité. Pacificare et quadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ah, là il change de tonalité là. Et respicias peccata nostra. Veam queste contu voluntatem tua. Thank you. mes amis, nos blagues. J'ai l'âge dans les gosses et furieux, du rire et fourri, d'eau plus pire, n'a mec un chaf de misère, homme et n'a rien d'eau. Low and down in honey news, conceal your mayors, has get bib on lips, and sing tongue and chain the loan, does merely hay. Hey, can't get a sit in top of not a plate, it moved to a merde. A merde. La mer, peu la mer.